Page 27. Activité 6. Piste 20. Le ciel est bleu. Laura a 8 ans. Il est gentil. C'est pour elle.